sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. My face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. Ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Oui, nous sommes là, mesdames et messieurs. Vous auriez pu croire que après 5 minutes d'attente qu'on n'était pas là. Et non, petit problème technique, malheureusement. Ça tombe toujours sur nous autres. Ouais, effectivement, on s'est pète un peu. Mais on est là, mesdames et messieurs, fidèles au poste, vos humbles serviteurs ludiques avec monsieur Andrew Castega dans la console. Salut Andrew. Bonjour. Et là, cette semaine, tu vas nous faire un spécial Capcom dans les critiques de jeux. On va parler de deux jeux. Oui, en fait, j'ai eu l'occasion de tester le très controversé Resident Evil 6 et le reboot de la série Devil May Cry, que t'as pas essayé, mais que t'as été spectateur. Fait que tu vas pouvoir de ce test-là, effectivement. Tu vas pouvoir donner ton opinion de joueur de divan et qui joue pas, bref. Moi, j'essaie d'arranger mon Skyrim pendant ce temps-là. Oui, effectivement, on va pouvoir parler de ces jeux-là. On va vous parler également de nouvelles ludiques, quelques petites nouvelles assez importantes dans l'univers du jeu, dans l'univers du jeu vidéo qui sont arrivées là, dans les dernières semaines. Et comme notre habitude, on va commencer en vous rappelant que Puissance Maximale est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Pour aller chercher nos anciennes émissions, aller chercher les podcasts, entrevues qu'on a fait également et autres nouvelles qu'on poste. Allez aussi sur Facebook, tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche, vous allez nous trouver assez facilement. Allez nous aimer parce que nous, on vous aime et profitez-en pour partager la page de Puissance Maximale avec vos amis. Question de propager la bonne nouvelle ludique et leur montrer qu'on a une méchante bonne émission. Ouais, puis un bon argument, dites que Mike, il est viril. T'es, juste pour vous donner une idée, il vient faire l'émission en complet 3 pièces. Ouais, c'est ça que ça fait tout de suite après le travail de venir faire l'émission. On est en complet. Rien de trop beau pour vous, auditeurs. Vous le voyez pas, mais je vous le garantis, c'est beau à voir. Effectivement. Et non, mais n'est pas écouté l'émission que pour ça. Écoutez-le pour le contenu. Donc, bref, propagez la bonne nouvelle auprès de vos amis et partagez la page de Puissance Maximale. Et pour ceux, il y a plusieurs personnes qui sont venues nous voir pour nous demander des t-shirts. Malheureusement, c'est déjà tout écoulé. On avait commandé une petite quantité, mais comme on a dit à tout le monde, si on a une grosse demande, on va en refaire d'autres pour les fans de Puissance Maximale. Donc, allez sur la page Facebook de Puissance Maximale. Envoyez-nous des messages privés, spammez-nous, parce qu'on aime ça vous lire en même temps. En même temps, c'est ça. Si vous avez des suggestions également là, pour des reportages, si vous avez des projets ludiques, des activités ludiques dans le coin, puis vous voulez venir en parler à la radio, ben envoyez-nous un petit message privé. On va discuter avec vous pour vous séduire une petite entrevue. D'ailleurs, Mickaël, tant qu'à faire notre introduction, aussi, on a quelque chose de spécial en fin de semaine pour nos auditeurs. Oh oui, M. Castegan, on va être à G-Anime 2013 à Gatineau, convention de manga et d'anime japonais. On va être là, comme à notre habitude, on est là depuis le tout début de G-Anime, depuis que... Le monde qui y vont et qui veulent me rencontrer, il y en a beaucoup qui me connaissent déjà, mais après un an et demi d'absence dans le domaine des conventions, je vais être présent. Et oui, Andrew sera là et on va faire plusieurs activités. Moi, j'aurai la chance d'animer des activités devant public avec Jackie Berger, une des invitées d'honneur de la convention. Donc, entre autres, la voix d'Esteban dans Les Mystérieux Cités d'Or, je vais animer des entrevues devant public. public et des séances questions avec le public également. Andrew va être là pour des ateliers sur les jeux vidéo, les perles en fait des jeux vidéo, des fois qui sont moins connus mais des excellents jeux. Oui, dans le fond, jeux de studios mineurs et de studios indépendants, en d'autres mots les indie games. C'est pas forcément les jeux hyper underground, mais ceux qui personnellement m'ont marqué, là, c'est un peu comme un genre de conférence ouverte. Le monde peuvent parler aussi, donner leurs suggestions. J'aime bien ça, l'interaction avec mon auditoire. Ouais, ben c'est ça, c'est des panneaux qu'on appelle là, dans le milieu, mais c'est finalement c'est des ateliers interactifs. On va participer également à un panel sur l'industrie du jeu et un panel sur puissance maximale. Pour parler un peu du projet puissance maximale, comment c'est né, comment on fait ça au jour le jour et un peu notre façon de faire les choses au niveau de la critique, au niveau de la un peu de la couverture du monde ludique. Également, on va être là pour un live spécial le samedi soir à 22h. On mettra le lien sur Facebook. Oui, je vais faire une petite update sur le Facebook là, pendant la fin de semaine. Et le site Internet aussi. Également, pour que les gens puissent avoir accès à ça, c'est sur le site, le live stream de GAnimé. Qui était live.ganimé.ca. Si je me rappelle bien, mais on va faire l'update sur le site durant la fin de semaine pour que le monde puisse nous écouter. On va avoir des invités de la convention sur place, des artisans de la convention, et on va faire une émission spéciale en direct et de là-bas. Et on va voir Chantal. Oui, Chantal Campagnan, qui est notre collaboratrice au jeu de plateau, jeu de société, va être sur place avec sa gang et son bac de dés, parce qu'elle va être là pour vendre des dés de différentes formes, pour jouer à des jeux de rôle, mais aussi des jeux de dés comme Zombie Dice, des trucs du genre, et elle va voir son légendaire énorme bac à dés, avec un gros bac plein de dés. C'est sûr, je vais m'en acheter un autre boîte. Puis là, on prend un gobelet, on plonge ça là-dedans, puis on remplit une petite boîte style Take-out chinois, là, full de dés, puis on part à la maison avec ça. Donc Chantal va être là, on va la voir sur l'émission pour parler avec elle de sa présence là-bas, et aussi on va parler jeux, bien évidemment. Donc voilà, une grosse fin de semaine pour l'équipe de Puissance Maximale, mais là, on va y aller avec notre émission régulière, et on va commencer ça en musique, comme à notre habitude, avec une chanson du groupe Collectivo, qui s'appelle Que la Vita. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM à Québec. Peut-être. On est vraiment choyé ces temps-ci avec les problèmes techniques à la station. Mais bon, on peut continuer en parlant critique de jeux vidéo, cher Andrew, parce que si on a un problème, on a clairement un problème avec la musique aujourd'hui. Ouais, effectivement, c'est merveilleux, c'est le fun. Non, ben, allons-y. Ah, ben, je l'ai, je peux le régler, là. Bon, excellent. Bon, on a vraiment, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec l'ordinateur, c'est un peu ridicule. Bon, fait qu'on y va, là. On y va avec Que la Vita de Collectivo. Camminar, camminar, un passo in fronte, in fronte dell'altro per te. Camminar, più forte e più svelto che l'anima. Uè! ci chiede la vita con i passi che farai. Devi mai guardare indietro, devi solo camminare. Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après notre péripétie de musique. On l'a trouvé là, le problème. On a réglé le problème, je crois, là, on va espérer. Et là, on va y aller, mesdames et messieurs, avec une de ces fameuses critiques de jeu de monsieur Andrew Castegan, et on là, va parler de Resident Evil 6. Tom, tom, tom. On sait qu'effectivement, le jeu avait été pas mal critiqué, mais on va voir la voix d'un vrai critique, là. C'est quoi là, le problème avec... S'il y a un problème avec Resident Evil 6. Problème? Non. Je dirais que... C'est un peu comme Windows 8. Ah, c'était une belle image. Que... En fait, c'est pas un mauvais jeu. Je vous dirais que c'est très loin d'être un mauvais jeu. C'est un excellent jeu. En fait, je vous dirais, surtout en coop, c'est versus Resident Evil 5, Resident Evil 6, j'ai beaucoup plus apprécié le coop avec l'autre personne. En plus, on peut même jouer en split screen sur la même TV. Fait que je trouve ça vraiment super. Est-ce que c'est possible de jouer en coop chacun chez soi? Ben oui. Ah, ça, c'est le fun. Par le biais du PlayStation Network, qui a un chat, ma foi, très mauvais. Mais à part ça, ça va. Mais tout ça pour dire que oui, il y a un mode coop. Vous pouvez jouer par le biais du PlayStation Network. Vous pouvez jouer par le même écran. En fait, grosse particularité de Resident Evil 6, ça avait été déjà vu dans le passé, mais ils ont comme repris ce concept-là. Vous n'avez pas une histoire, ni deux histoires, mais quatre. Qui vont s'entremêler tout au long. Exactement. Vous avez vous pouvez jouer quatre personnages, en fait. Vous pouvez jouer... Et j'allais dire, mais qui sont ces personnages? Ah, okay. Maudit, tu me devances. Je te devance. Vous pouvez jouer Léon S. Kennedy, le fameux personnage de Resident Evil 2 et 4. Donc, vous pouvez le jouer... En fait, c'est la première story. À savoir, chaque personnage a un peu un style de jeu différent. Donc, dans le fond, Léon S. Kennedy, vous retrouvez un gameplay ressemblant énormément à ce que vous aviez dans Resident Evil 4. Donc, caméra à l'arrière, des zombies. Oui, c'est le retour des bons vieux zombies et non pas des espèces d'humains et mutants qui parlent d'une langue étrange et qui te lancent des fourches. Non, c'est des bons vieux zombies. Et en fait, ils ont fait un petit ajout. En fait, les zombies peuvent avoir des objets dans leurs mains et vous les lancer et vous les battre. Mais t'sais, c'est... Des fois, ils vont avoir une bouteille dans leurs mains puis ils vont la garder jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'ils meurent. Ils ont comme pas le réflexe de l'utiliser, mais ça arrive qu'ils l'utilisent. Ou encore, vous pouvez trouver des militaires qui ont des M16 et le zombie, ben, il vous tire dessus. Mais t'sais, c'est pas de genre vous tirer directement dessus. C'est il tire partout puis vous pouvez vous manger une ou deux balles sur vous. Fait que t'sais, c'est des petits ajouts que je trouve qui sont quand même très bien. Fait que, excusez-moi, je suis dans la gorge. Mais tout ça pour dire que c'est le mode de jeu classique. Sinon, après ça, vous avez Chris Redfield, personnage que vous avez vu dans Resident Evil 1 et 5. Donc, ben aussi dans Code Veronica. Et dans le fond, c'est le militaire, le favori. Il y a beaucoup de monde, en fait. En fait, le fandom de Resident Evil, au niveau du héros fait masculin, se partage entre Léon et Chris. Mais Chris a une petite longueur d'avance. Mais tu sais, dans le fond, lui, c'est vraiment avec les mutants. Donc, dans le fond, des humains parasités. Donc, les parasites. Donc, moins les zombies conventionnels qu'on a tendance à voir. Vraiment, purement action. Lui, vous voulez la détonation, du combo corps à corps, l'armée lourde à mitraillette et tout ça, ben c'est... Il est là pour ça. C'est votre homme. Le gameplay va changer pour le style, mais je disais pour la jouabilité. Le contrôle est pareil. Okay. C'est vraiment juste le fil des événements est vraiment plus action, action. D'un moment donné, il est dans un jet. Il y a de l'équipement militaire, là. T'es Chris, c'est un militaire. Tout équipé. Donc lui, quand il est arrivé à... dans les villes où il est, ben, je pense que c'est Washington au début, quand il arrive dans ce coin-là, ben, il arrive pas avec un pistolet ou un couteau parce qu'il prévoyait pas que ça arrivait. Lui, il savait très bien où est-ce qu'il allait, puis il est équipé en conséquence de. Donc, donc vous avez ça. Après ça, vous pouvez jouer Sherry, qui est dans le fond une des petites filles, la petite fille de Resident Evil 2 que vous avez sauvée avec Claire et tout ça, qui a vieilli et qui devient un agent du gouvernement. Et dans le fond, qui est accompagné de Jake, qui est le fils de Albert Wesker. Donc dans le fond, ceux-là sont un petit peu plus nouveaux, là, mais t'es, on les a déjà vus dans l'histoire. Eux autres, c'est plus un petit peu puzzle, fuite. Vous vous battez contre des humains qui ont encore leur capacité, donc quand ils ont des armes à feu, ils vous tirent dessus, mais eux autres, ils sont pas équipés pour vraiment se battre non-stop. Eux autres, c'est vraiment point A, point B. Juste pour vous donner une idée, le premier boss, il est intuable. Il est invulnérable. Il faut que vous l'occupiez. Une façon de sacrer son camp. Puis c'est ça, exactement. Donc c'est un peu ce principe-là. Après ça, vous avez Ada Wong, qui est dans le fond une des méchantes neutre, bonne, qui agit pour son profit. Dans le fond, elle est chaotique neutre. Ouais, c'est ça. Pour parler en langage jeu de rôle. Elle est chaotique neutre. Elle, dans le fond, c'est le gameplay un peu plus puzzle. Donc, elle va avoir des énigmes, des choses comme ça pour avancer. Va beaucoup se battre au pistolet et à l'arbalète. Va voir quelques combats contre des boss et des zombies. Mais elle, on va retrouver vraiment plus l'essence de Resident Evil, de trouver la clé, débarrer tel mécanisme. Puis, t'es l'ambiance plus standard qu'on retrouve. Mais c'est dans Ada que vous allez avoir le plus de révélations, donc je vous dirais gardez-la pour la fin. Parce que on peut choisir qui est-ce qu'on joue quand. Exactement. Ah, ça c'est le fun. Puis Ada, c'est le seul scénario que vous ne pouvez pas jouer en coop. Ah, ok. Donc cela, vous devez le faire tout seul. On joue en coop, donc on va jouer Chris Redfield, puis on veut y aller en coop. Ça veut dire qu'on Chris Redfield, dans le fond, vous avez un de ses partners, dans le fond, un autre militaire qui est avec lui, qui va l'accompagner. Lui, on l'a jamais vu. C'est pareil pour Leon S. Kennedy, qui est un autre agent du gouvernement. Qu'on va contrôler. Okay. Et Cheryl, ben, c'est dans le fond, c'est Jake. Le fils de Wesker qui va être avec elle. Exactement. Ben, en fait, le scénario est au nom de Jake, mais j'ai nommé Cheryl parce que c'est elle qui est la mieux connue des deux. Donc là, dans le storyline Resident Evil, est-ce qu'on on a une suite intéressante au niveau de l'histoire ou? En fait, c'est le scénario un peu Michael Bay. Tout pète, c'est l'apocalypse. En fait, le scénario, c'est que faut savoir que Umbrella, en tant que tel, a fait faillite après Resident Evil 3. Ça avait été dévoilé un peu là, que Umbrella avait été le responsable des événements de Raccoon City. Il y a eu des chutes à la bourse, il y a eu des sous-cellules de Umbrella qui ont continué à être opérées. Malheureusement, il y a des organisations terroristes qui ont mis leurs mains là-dessus. Donc, il y a eu des... je ne me rappelle pas le nom de tous les organismes, là, mais dans le 4, c'est une organisation terroriste gérée par Albert Wesker. Dans le 5, c'en est une autre encore une fois gérée par Albert Wesker. Et là, dans le 6, c'est Neo Umbrella qui est comme un autre groupe de terroristes qui gère les affaires dans le fond là, de Umbrella. Et leur plan, c'est littéralement de détruire le monde, ni plus ni moins. Ils envoient des missiles avec du gaz qui transforme le monde en zombies dans les métropoles des villes. T'sais, c'est plein d'affaires comme ça. Je sais pas, on dirait que ce genre de scénario-là, moi, je décroche quand c'est trop gros. Resident Evil 1 et 2, qu'on est dans le conflit local. C'est sûr qu'à un moment donné, si on veut continuer à faire vivre une franchise, faut aller plus loin dans le storyline, mais... Non, mais il y a une raison pour ça. C'est à cause que c'est... Capcom l'avait annoncé, Umbrella 6, c'est la fin d'un arc. Donc, Resident Evil 6? Oui, okay. C'est la fin d'un arc. C'est supposé être la fin des scénarios avec Leon S. Kennedy, Chris Redfield, puis tout ça. Donc, probablement que Resident Evil 7 ne portera pas le chiffre 7, mais que ça va être un reboot de la série avec une autre branche d'histoire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des romans de Resident Evil. Et là, on est comme vers la fin. Donc là, tu sais, c'est la lutte contre les organisations terroristes. Et là, c'est vraiment la fin où tout pète. Là, t'sais, là, le gouvernement, il allume que ça. Il y a des actions, des militaires, le gouvernement, puis tout. Là, t'sais, là, c'est le free-fall. Ouais. Mais on est quand même... En tout cas, je sais pas. Moi, je décroche. Quand on est rendu à ce niveau-là, je fais... C'est trop gros. On dirait que je trouve ça trop... Mais faut dire que j'aime pas Michael Bay. Là, mais... Non, mais c'est une référence parce que je fais juste penser au scénario de Léon. T'sais, je vous le dirai pas en détail, là, mais il se fait brasser en tabarouette. Il y a de l'explosion, puis je vous dirais là, qu'il doit atterrir à peu près 3 ou 4 appareils en catastrophe dans le milieu d'un centre-ville. Là. T'sais, ça vous donne une idée, là. Mais t'sais, comme je dis, c'est l'apocalypse. C'est un peu le principe là, que là, l'organisation terroriste principale se met en branle et on se rend compte que des membres du gouvernement, puis plein d'affaires, je ne donnerai pas de détails, mais c'est là que le gros des révélations se donne. Puis je vous dirais, si vous avez une chance d'avoir une 3DS, jouez à Resident Evil Revelation, qui est un peu entre Resident Evil 5 et Resident Evil 6. Donc, tu sais, c'est comme ça vous donne un petit peu plus d'informations. Jouez ça, plus Resident Evil 6, vous allez avoir une panoplie de questions qui vont être répondues. Dans le fond, Capcom, ils veulent mettre les choses au clair, fermer les livres pour cette branche-là, puis repartir à neuf. C'est ça le but qu'ils veulent faire. Mais en tant que tel, Resident Evil 6, c'était quoi le gros problème qui avait été décrit par la communauté? Le gameplay, c'est une cassure directe des anciens gameplays versus le nouveau. Parce que là, on peut bouger en tirant. Ben, il y a du monde qui ont chialé là-dessus. Moi, personnellement, je trouve que c'est un bon atout. Je trouve ça assez normal. Mais bon. Ben, c'est ça. Mais le principe, c'est que le jeu est moins open. T'sais, normalement, dans Resident Evil 1, on pouvait se promener dans le manoir, se perdre, puis tourner en rond pendant 2 heures de temps parce qu'on trouvait pas une clé. Dans Resident Evil 6, il n'y a pas vraiment ce phénomène-là, à part avec le scénario d'Ada, là, où là, on a vraiment point A, point B. Y a des éléments entre qui peuvent faire en sorte qu'on cherche. C'était comme avec Léon, il y a un bout où on se bat contre un requin, le fameux requin zombie récurrent de tous les Resident Evil. Casse pas ça, c'est un crocodile. Tout ça pour dire que y a eu des segments où il y a quelques puzzles qu'il faut comprendre, mais il n'y a pas vraiment de gros système de cherche la clé, puis trouve la porte qui va avec la clé. Généralement, tu trouves une clé, tu sais c'est quelle porte, puis tu tournes pas en rond. Là, ils ont fait ça assez straightforward, fait qu'il y a du monde qui ont comme pas aimé ça. Puis il n'y a pas vraiment façon de revenir en arrière aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de cinématiques avec les Quick Time Event. Là. Fait que ça fait en sorte que quand vous avez ça, ben qu'est-ce qui était en arrière de vous, vous pouvez pas y aller. Donc si vous avez dit « Ah, mon inventaire est plein, je prendrai pas la plante rouge », puis là vous tombez dans une cinématique de boss, ben là vous êtes fait. La plante rouge, vous pourrez jamais retourner à chercher de tout le long du jeu. Il y a genre ce phénomène-là là, que beaucoup de fans ont décrié, parce que Resident Evil, normalement, quand ton inventaire est plein, tu peux laisser un objet puis aller le rechercher beaucoup plus tard. Tu peux être rendu vraiment loin dans le jeu, puis tu peux revenir au début si ça te tente. Moi, ils ont pas repassé dans ce coin-là. Rapidement, Andrew, là, avant la fin de cette critique, le côté graphique, là, tu m'avais parlé qu'il y avait des couleurs beaucoup très noires, que c'était fait pour ça. Le jeu est très bien, je vous dirais, au niveau graphique, il est très beau. Seul bémol, je vous dirais, si vous avez pas une TV OLED ou une TV qui a vraiment une luminosité très élevée, vous allez peut-être avoir un peu de misère à voir. Parce que le jeu est quand même très très sombre. C'est voulu, mais tu sais, je fais un parallèle. Moi, j'ai une TV LG chez nous au LED. Je voyais très bien le jeu. J'ai pu ajuster la luminosité en sorte pour très bien voir, à part les segments où c'était très noir volontairement par le jeu, qu'on ne voit rien. Mais avec une TV ACL, ça risque d'être compliqué. Une TV ACL, ben ça dépend. J'ai joué sur deux TV ACL. J'ai joué sur une TV ACL Sony où je vous dirais là, qu'on avait monté la luminosité du jeu au maximum, mais on voyait rien, mais vraiment rien. Puis j'ai joué sur une TV ACL Samsung et on était capable de bien voir. Fait que tu sais, ça dépend du modèle de TV pour voir visiblement. Mais sinon, pour conclure sur le jeu, je vous dirais, si vous voulez, je vous dirais Resident Evil 6, c'est plus un, si vous êtes pas un puriste dans le fond, si vous êtes capable de mettre un peu de côté des éléments de gameplay que vous connaissiez, puis vous voulez vraiment jouer pour l'histoire, c'est vraiment un très bon jeu. Personnellement, j'adore l'histoire de Resident Evil 6 à date. Je me fais beaucoup de fun avec le gameplay, parce que j'ai jamais été vraiment un gros puriste de Resident Evil, mais je comprends qu'il y a des gens qui ont été offusqués puis qui ont été déçus de payer un montant pour un jeu qui, dans le fond, n'est pas réellement lui-même. Fait que je vous dirais, si vous êtes un puriste, peut-être le laisser de côté. Sinon, le louer. Il est pas très, très long, anyway. Mais si vous êtes quelqu'un comme moi qui joue majoritairement pour l'histoire, c'est un pouce en l'air, je vous dirais, facilement. Excellent. Mais merci beaucoup, Wendo, pour cette critique. On va revenir pour une autre critique après la musique. On va y aller avec une chanson de François Pérusse parce que je la trouve très drôle. Ça s'appelle « Y'a donc moins des Mongols ». Puis il y a pas tard. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Y'a donc ben des Mongols. Y'a dans ben des Mongols, y'a dans ben des Mongols. Goya dans ben des Mongols, y'a dans ben des Mongols, y'a dans ben des. Y'a dans ben des Mongols. Goya dans ben des Mongols, y'a dans ben des Mongols, y'a dans ben des. À gauche, à droite, tout le monde l'a vu, pas côté de toi, y'a des Mongols. Tu l'ouvres une fois petit, tu vois pas de l'autre côté. Un Mongol, qui parle quand que t'allumes la télé. C'est un Mongol, puis de qui parle. Un Mongol, pour être rendu où est-ce qu'on est rendu, il nous a fallu des Mongols. Les cours d'histoire, les dictionnaires sont remplis de Mongols. Une personnalité en réalité, c'est un Mongol. Qui c'est qui mène le monde et puis l'économie? C'est des Mongols. Pour être président, c'est quoi le prérequis? Être un Mongol. Et avoir dans sa famille et dans ses amis beaucoup de Mongols. Quand on est Mongol, on réussit. La part de travail les gars, ceux qui sont fifs, ceux qui sont pas. Tous ceux qui habitent sur les autres planètes, si jamais y'en a. Jusqu'à preuve du contraire, on est tous des Mongols. Hey, assieds-toi n'importe où, puis attends. Je t'attendrai pas trop longtemps. Demain, et tu vas voir, il va poser un Mongol. Salut. Y'a dans ben des Mongols. Y'a dans ben des Mongols. Y'a dans ben des Mongols. Y'a dans ben des Mongols. Y'a dans ben des Mongols. Y'a dans ben des Mongols. Y'a dans ben. Et oui, de retour à puissance maximale. Et on va continuer avec une autre critique de jeu de M. Andrew Castegan, toujours dans la famille Capcom. Mais cette fois-ci avec quelque chose de plus récent. Quelque chose qui est sorti il y a 2 semaines, je crois. À peu près. Ouais, Devil May Cry, le reboot, qui lui aussi avait fait couler beaucoup d'encre par la communauté de fans à cause, entre autres, d'un reboot design. Design character des personnages. En fait, pas juste ça, aussi la compagnie que Capcom a mandaté aussi pour faire le... Pour faire le jeu. C'est ça, merci. En fait, oui. Oui, ben j'allais dire que moi j'ai assisté, parce qu'Andrew a testé ça chez nous, pendant que je sacrais après mon Skyrim. Et, oui, pour une fois que... Pour une fois que c'est moi. Oui, c'est ça, pour une fois que c'est pas moi qui vis ça. Et là, Andrew est en train de jouer, moi j'ai pu voir ça, et je peux vous dire tout de suite, très beau jeu. Très impressionnant et 18 ans et plus. Oui. Donc, Andrew, est-ce que t'as, premièrement, t'as-tu aimé ça? On va y aller tout de suite, là, on commencera pas à trop d'analyse. Là. Est-ce que t'as aimé DMC, Devil May Cry? Oui. Voilà, fin de la critique. Et alors, voilà, on est en musique, non. Donc, est-ce que, qu'est-ce que t'as aimé? Est-ce que, le gameplay, est-ce que c'est si différent que ça, premièrement? Ben, premièrement, non. Vous allez retrouver exactement le même gameplay que vous êtes habitué de voir dans les Devil May Cry, avec une petite twist un peu. Je vous dirais que Dante est un peu moins comboiste. Dans le style que vous allez avoir un petit peu plus de misère en lignée du 68 combo comme les autres, mais un enchaînement très fluide des coups. Fait que dans Devil May Cry, dans le fond, le principe, c'est quand vous vous battiez dans un combat, vous aviez, dans le fond, des lettres, des rankings qui vous étaient donnés après un combat en fonction de est-ce que vous vous étiez fait toucher, le nombre de combos et tout ça. Ils ont adouci un peu ce système-là et ça fait en sorte que vous avez un plus grand temps entre la fin d'un combo versus l'enchaînement de l'autre avant que le compteur se reset. Parce qu'il faut dire, Devil May Cry, c'est un beat'em all. On a notre épée avec des pistolets puis on tape dans le tas. Il y a un petit peu de puzzle, pas vraiment. C'est du puzzle plateforme. Ouais, c'est assez basic, mais on tape dans le temps avec une grosse épée, ça flash, on saute en l'air, on est dans les airs, on a des grappins, on attire le monde dans les airs, on leur tape dessus pendant qu'on est dans les airs, on tire du pistolet, ça flash. On sait que la série Devil May Cry a eu des chapitres assez difficilement. En général, la série était considérée assez difficile. Il y a eu des chapitres difficiles dans les deux sens du terme. Il y avait Devil May Cry. Devil May Cry 1 qui avait été acclamé par la critique, qui disait que le monde c'est un jeu excellent, mais en même temps très court. Après ça, il y a eu Devil May Cry 2 d'une difficulté, ma foi, incroyable, mais mauvais, qui a été difficile et pas bon. Ça, c'est plate. C'est ça, c'est à cause de ça. On se battait contre des voitures mutantes et des affaires de même, fait que le monde, ils ont comme moins aimé ça. Devil May Cry 3, qui était d'une qualité incroyable, mais avec une difficulté encore incroyable. Une fois, ouais. C'est le seul Devil May Cry que je connais qui a eu une special edition pour niveler le niveau de difficulté vers le bas, ouais. Parce que les fans ont fait what the fuck? Quoi? Puis là, c'est là qu'on s'est rendu compte que le niveau de difficulté entre le Japon et les Amériques est bien présent. Il y a eu le 4 aussi, on avait l'introduction d'un deuxième personnage également. Qui, je me rappelle plus de son moi nom. Moi non plus, je me rappelle plus de son nom, mais qui était très cool. Il était très cool, mais Devil May Cry 4 n'avait pas été très apprécié par certains fans parce que on ne jouait pas le Dante tout le long du jeu. Mais là, on a le Devil May Cry tout court, là, on est à Devil May Cry. Le terme pour le différencier, c'est Devil May Cry DMC. DMC, ouais, c'est ça. Mais tu sais, DMC tient pour Devil May Cry, mais c'est comme leur façon de l'écrire pour qu'on sache que c'est le reboot. Là, pour rester dans le côté difficulté, là, est-ce qu'on est dans quelque chose qui est très. Moi, je te voyais aller, ça avait pas l'air si pire que ça. Il y a une difficulté présente, mais le gameplay est assez bien fait pour qu'on soit capable de bien passer à travers. Et mettons que vous êtes moindrement habitué au beat'em all, vous rusherez pas pour faire ce jeu-là. Il y a quand même un petit challenge. Il y a quelques passages assez durs. T'sais, des Golden Mask, là, j'en ai utilisé. Les Golden Mask, c'est comme quand vous mourrez, ça vous permet de revenir plein de vie, comme un genre de continu, mais sans avoir à recommencer le chapitre au complet. Puis je vous dirais là, que j'en ai utilisé. Puis je vous dirais, c'est pas tant les combats avec les ennemis qui sont durs que les boss. À savoir, dans Devil May Cry, c'est que les boss ont un pattern. Ça a toujours été comme ça. Ils ont un pattern d'attaque. Ils ont des signes avant de faire des attaques. Coups à droite, deux coups à gauche, un coup de tête. Oh, là, tu peux le frapper pour qu'il soit dazy puis continuer à le comboer. Exactement. Genre. Mais parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que Devil May Cry, normalement, les boss, ils font mal. Fait que, ils font un genre de petit pattern qui peut être aléatoire, mais il y a des signes en regardant le boss qu'on sait quelle attaque il va faire, puis on s'arrange pour l'éviter. Parce que quand on se le mange, on a mal. Et je fais juste penser à un boss que j'ai vu, que j'ai battu, qui est une genre de grosse tête holographique, qui lance des genres de rayons à terre. Il est pas évident à se trouver, puis j'étais bien content d'avoir mon Devil Trigger, qui est comme le mode tout plein puissant de Dante et invulnérable pendant un certain moment, pour être capable de le canter, parce que j'avais plus de Golden Mask. Puis ma vie était en train de crier à l'aide. Fait que c'est non, il y a une bonne courbe de difficulté. Sinon, en tant que tel, les combats ennemis, dès que vous êtes capable de faire les switch, parce que ça c'est une nouveauté par exemple. Vous avez du, vous pouvez changer d'arme en plein milieu d'un combo si vous voulez, avec juste une des gâchettes. Parce que dans le fond, vous avez l'arme principale qui est l'épée de Dante qu'on connaît depuis toujours, et vous avez des armes angéliques et des armes démoniaques. Parce qu'on sait que Dante est le produit de la copulation d'un démon et d'une ange. Ben en fait, on a appris dans celui-là que c'était une ange, parce que dans les autres jeux, c'était une femme quelconque qui n'était pas une démone. Donc le monde se disait « Ah, ben c'est une humaine », parce que ça expliquerait pourquoi que Sparta protégeait les humains. Et là, ils ont comme fait un reboot. Puis là, ils ont dit, non, c'est une ange. Et Sparta, c'est un démon. Puis Dante, dans le fond, ben il a des pouvoirs parce que c'est l'enfant des deux. C'est ça. Puis ça unlock des pouvoirs spéciaux à cause de ça. Et là, je pense qu'il y a un arbre de compétences également dans le jeu. Où on va avec, ben, avec les sphères rouges, là, comme n'importe quel Devil May Cry, on pouvait acheter des nouveaux combos, des nouvelles attaques, améliorer les dégâts des armes et tout ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire à propos du changer pendant un combo? Dans le fond, c'est que les flèches directionnelles, ils servent pas à rien à part changer les armes. Parce que vous pouvez avoir trois armes démoniaques, trois armes angéliques. Puis avec, mettons, la flèche de gauche, c'est pour les démoniaques, les flèches de droite, c'est pour les angéliques. Vous appuyez dessus, ça change l'arme. Vous avez juste à appuyer sur la gâchette L2 ou R2 et ça change l'épée pour cette arme-là. Et vous continuez d'appuyer sur vos touches de combo, puis ça change comme ça à twill. Donc, tu sais, c'est très rapide. Vous n'avez pas besoin d'aller dans votre inventaire parce que quand vous aviez plusieurs armes, vous étiez obligé d'aller dans l'inventaire pour changer qu'est-ce que vous aviez d'équipé rapidement d'accès. Dans ce cas-là, juste avec une flèche, vous êtes capable de tout changer. Voilà. Fait que ça brise pas le rythme du jeu. Fait que je trouve ça génial. Vous appuyez par en bas, vous tombez dans vos items de soins sans avoir à aller dans les menus. Fait que personnellement, très bel ajout. Je trouve que c'est une très belle amélioration de l'interface. Puis, ça rend la fluidité du jeu beaucoup plus efficace. Moi, personnellement, de ce que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé le character design, les méchants. Il faut dire, oui, là, qu'on disait tantôt 18 ans et plus, oui, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus gore que les anciens et aussi avec des thèmes et une ambiance beaucoup plus adulte. C'est ça. Il n'y a pas tant plus de violence en frétissant. T'sais, j'ai déjà vu des épisodes de Devil May Cry où tu donnais un coup d'épée sur un genre de pantin de sable. Parce que dans des Devil May Cry, c'était souvent des pantins de sable. Puis, tu sais, il y avait du sang quand même pas mal, mais là, c'est des démons difformes. Puis, ouais, c'est ça, c'est bizarre, là. C'est free, c'est une ambiance plus freak. Puis on rencontre une succube un moment donné, puis je peux-tu vous jurer que c'est loin de la succube qu'on pense. Ouais, effectivement, c'est pas aussi attirant puis, que... C'est, l'ambiance est oppressante. Là, c'est une ambiance horreur, freak, je veux dire, c'est quelque chose. Mais parce que tu sais, dans le fond, Dante, il est dans le monde des humains, les démons jouent dans un monde parallèle qu'on appelle le limbo. Bon, les limbes, et, ouais. C'est ça, puis tu sais, dans le fond, les démons, quand ils détectent Dante, ils tirent, dans le fond, dans ce monde-là, et ce monde-là, tout est déformé. T'es les bâtisses, il va avoir des tentacules qui c'est vont comme sortir. C'est un monde parallèle qui a comme... le monde réel a son empreinte dedans, puis lui, il est modifié comme ça, là, avec des affaires fuckées. C'est ça, puis qu'est-ce qui se passe dans les limbes? Ça passe aussi dans le monde des humains. Fait que c'est de toute beauté. Des fois, il y a des faits cocasses à cet effet-là. Exemple, un démon qui décroche une grande roue. Puis à un moment donné, tu vois un bulletin de nouvelles où le monde dit « Ah, il y a une grande roue qui s'est décrochée! » Puis « Ah! » Puis en même temps, tu sais, si vous aimiez l'humour un peu... cynique de Dante, puis tu sais, le petit humour noir, dans le fond, que tout le temps dans tous les épisodes de Devil May Cry, ben, vous allez être servi parce qu'il est encore là. Ouais. Il est encore là, je vous dirais. Ninja Theory, le studio qui a pris le contrat, dans le fond, pour le reboot, ils ont fait une très belle job là-dessus. Ils ont quand même bien conservé l'esprit du personnage. Parce que faut savoir, un des affaires qui a été décrié, c'est le design de Dante. Parce que le principe du reboot, c'est qu'il recommence au complet l'histoire. T'sais, là, vous arrivez, Dante, il sait pas que c'est un démon. Il est amnésique, en plus. Il sait même pas c'est qui ses parents. Il se rappelle de rien. Lui, il erre dans le monde des humains, puis il sait pas trop c'est quoi son existence. Je t'attends qu'il fait une rencontre avec une médium qui commence à y expliquer, puis là, ça amène le fil de l'histoire. Mais tu sais, ça se passe même avant le 1. Là, t'sais, Dante, il a même pas son épée. Parce que Dante, la grosse épée avec la tête de mort que vous voyez, c'est l'épée de Sparda, qui est son père. Et il n'a pas cette épée-là. Là, il y a une espèce d'épée un peu ange, un peu bizarre, mais c'est pas son épée fétiche à lui. Là. Fait que, tu sais, c'est avant tout ça. Là, t'sais, donnez-vous une idée. Là. Fait qu'il est très jeune, il a pas les cheveux blancs comme on le connaît, il a les cheveux noirs, il est baveux un peu, il est plus fendant un peu. Ouais. Parce que, il a l'insolence de la jeunesse, là. Et on rencontre son frère aussi, Virgil. J'ai bien aimé son caractère design, moi. Du coup, je l'ai pas reconnu, mais pas en tout. Mais il flash vraiment. Katana, toujours oui. Avec la katana, mais un genre de soute avec un chapeau, pas melon, mais ça ressemble un peu à Fedora. C'est vraiment, là... Moi, j'ai vraiment aimé beaucoup ce design-là. Le design, les character design en général, moi, j'ai beaucoup trippé. Sans farce. Je suis pas un énorme connaisseur de la série. J'ai beaucoup joué aux 4, là, mais j'ai beaucoup aimé ça. Pas pire parce qu'ils font des petits clins d'œil aussi au design passé. À un moment donné, ils se retrouvent avec une tête de vadrouille sur la tête qui fait, dans le fond, ses cheveux. Ses cheveux blancs. Puis là, il l'enlève puis il dit « Jamais dans 100 ans ». Il s'accède au bout de ses bras. Et en terminant, Andrew, une petite note sur la musique. Gros métal, lourd, c'est quelque chose. Moi, j'ai beaucoup aimé la soundtrack, je sais pas pour toi. Là. Oui, mais ça met dans l'ambiance. Ça fait changement de la trame sonore techno qu'on était habitué d'entendre dans les derniers Devil May Cry. Il y a toujours eu un peu de métal dans Devil May Cry, mais dans les combats, généralement, c'était du techno. Genre de métal remixé techno, tout ça. Tandis que là, c'est du métal. C'est solide. Là. La grosse guitare, du drum, puis emmener ça par là. La grosse voix. Effectivement, moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un bel ajout à la série. Donc, on l'a pas dit tantôt pour Resident Evil, mais disons que pour Devil May Cry, combien de démons sur 10 donnerais-tu? Pour Devil May Cry, je lui donnerais un 8 démons sur 10. Et pour tantôt Resident Evil, combien de zombies sur 10? 7. D'accord. Ben merci, Andrew, d'avoir fait ces deux critiques pour nous. Donc, on vient de vous parler de Devil May Cry DMC, là, le reboot qui est sorti il y a 2 semaines sur PlayStation 3. Et oui. Tu n'es pas sorti sur d'autres consoles, sur Xbox? Xbox 360. Les deux ont sorti sur Xbox 360. Excellent. Donc, allez acheter ça. Pour les fans de la série, ça vaut la peine. Mais comme tout jeu Capcom, la meilleure version est sur PS3, en attendant que la version PC sorte un jour. Ouais, parce que moi, j'ai la version PC de Devil May Cry 4. Puis... ça avait beaucoup, beaucoup de gueule. Et on va y aller en musique avant d'y aller pour un petit rush de nouvelles. Un dernier blitz de nouvelles avant la fin de l'émission. On va y aller avec In the End de Linkin Park. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. It's starts with love. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed just right to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard. Listening to Sans Maximal. Et oui, de retour à Puissance Maximale pour des nouvelles ludiques en fin d'émission. Grosse nouvelle qui est sortie hier, en tout cas cette semaine. On savait déjà que THQ n'était plus. Fait faillite. Mais là, sauf que là, hier, on a appris quelle compagnie avait acheté quelle franchise de THQ. Mais là, c'est pas toutes les franchises non plus qui ont été vendues. Non, ça. En fait, on a appris que Relic Entertainment, donc la compagnie en arrière de Companies of Heroes, Warhammer 40000, en passant à Companies of Heroes, que je le répéterai toujours et jamais assez, excellent jeu de stratégie. Fait que vous voulez jouer à ce jeu-là. A été racheté par Sega pour 26,6 millions de dollars. Je vous dirais que je suis emballé. Ouais, parce que Sega est connu pour, entre autres, la série de jeux Shogun Total War. Fait que je vous dirais là, que un sérieux studio d'RTS en arrière de Sega qui achète un autre sérieux studio d'RTS, Sega va devenir mon studio favori. En fait, c'est déjà mon studio favori. Je les aime déjà beaucoup. Oui, beaucoup, beaucoup. Ils ont un hérisson bleu. Fait que... Mais sinon, pour ça, THQ Montréal a été acheté par Ubisoft pour 2,5 millions de dollars. Par Ubisoft Montréal. C'est eux qui vont y aller avec le jeu tant attendu de South Park. Exactement. Le RPG qui s'en vient, il avait l'air très cool. Mais ce jeu-là, en fait, a été même racheté pour 3,5 3,3 millions de dollars. Donc j'ai hâte de voir s'ils vont apporter beaucoup de changements ou parce qu'ils achètent les studios, ça veut pas dire nécessairement qu'ils vont y aller Total Sauce Ubisoft ou Total Sauce Sega là. Ouais, ils vont peut-être y aller plus à garder les studios comme ils sont là, mais sinon le dernier studio, le studio Volition dans l'arrière de Saint Row et Red Faction a été racheté par Koch Media pour 22,3 millions de dollars. Puis eux autres, on les connaît-tu pour des trucs comme ça? J'aurais bien aimé ça te donner un exemple, mais le lien dans l'article n'est pas cliquable pour que je voie qu'est-ce qu'il fait contrairement aux autres. Là. Fait malheureusement. Que, c'est un studio quelconque. Donc voilà pour THQ qui a été démantelé, en tout cas qui a vendu par morceaux son empire. Ben c'est quand même triste parce que THQ, moi à l'époque, THQ, c'est les, ce que j'ai en tête, c'est les jeux de lutte sur Nintendo 64. Que j'ai beaucoup, beaucoup joué avec des amis de Saint-Pacôme, Bas-Saint-Laurent. Malheureusement, THQ n'est plus, mais on va voir, on va espérer que les compagnies qui ont perduré grâce à leurs achats ben, vont nous amener encore de très bons jeux. Moi, je n'ai qu'une chose à dire, Companies of Heroes, Sega. Sega. Pas le temps de niaiser. Et autre grosse nouvelle, brevet de Sony qui est accepté. Un brevet, on en avait parlé, je pense, dans l'émission. Oui. Un brevet qui va finalement attacher la licence d'un jeu que vous achetez à votre machine, donc qui empêchera la revente et le prêt à des amis. Et la location. Et la location, donc, écoute, Andrew, on va espérer qu'ils vont pas l'appliquer. Parce ben moi, que Sony va être dans... On va le dire, moi, on va, ben on va moi, utiliser je vais le dire quelque chose. Avant que tu dises qu'est-ce que tu allais dire, la première des choses, on a déjà remarqué une tangente de Sony à vouloir faire ce genre d'affaires-là. Juste avec l'idée des online pass, là, t'es comme qu'est-ce que Mortal Kombat a, là, le fameux code unique qui te permet de jouer en ligne. Ça, des jours au départ, ça a fait beaucoup dégriller des gens. Fait qu'imaginez s'ils appliquent ce même principe-là pour ton jeu. C'est de la marde. C'est ça, je voulais dire tantôt, ça va être de la marde. Là, il va faire Sony, j'ai bien l'impression qu'ils vont participer à ce que je pourrais appeler, pas la chute, mais le déclin tranquille de la console en faisant ça. Leur prochaine console, si elle est équipée de ça, et même le PS3, d'après ce qu'on a su, ça serait applicable au PS3. Par le biais d'une mise à jour. Je pense que Sony vont perdre beaucoup, beaucoup de clients, et moi le premier. Et il y a du monde qui disait « Ouais, mais Microsoft vont appliquer la même chose. » Ben, le PDG de Microsoft fait une sortie suite à ça, parce que ça crie partout sur Internet à propos de ça. Et il a dit « Écoutez, on n'appliquera pas ce genre de fonctionnement-là sur nos consoles par simple principe que notre service en ligne est payant. » Fait que si on commencerait à mettre des jeux que vous ne pouvez pas prêter, que vous êtes obligé de racheter une licence pour jouer en ligne... On vous ferait pas payer pour notre accès en ligne. Parce que à la limite, Sony avec leur online pass, vu que leur truc est gratuit, tu sais, si le seul jeu qu'ils attendent de jouer en ligne, c'est... Mais en même temps, c'est complètement stupide, parce qu'ils ont aussi en parallèle le service PlayStation Plus, et le monde PlayStation Plus sont obligés de payer leur online pass aussi. Fait qu'il n'y a pas de réel avantage. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, mettons exemple, là, à être bien, bien têteux, là, ils diraient « Ah, oh, ce système-là, il s'active pas si vous avez PlayStation Plus. » Ben, tant qu'à faire, passe ton réseau payant, puis... Ça a une patience avec ça. C'est ça, mais assure-toi qu'il repère ton réseau, par exemple. Parce que, tu sais, c'est comme je te parlais avec Michael, je trouve que le système en ligne de PlayStation, oui, il est gratuit, on paye pas pour, mais je vais me permettre de faire une critique. On peut pas chatter sans que ça coupe. C'est basique. Quand on veut jouer en ligne, on pourrait choisir quel tableau on va faire à deux, on peut pas le faire. Le chat il allume seulement quand on est dans le jeu. Regardez, c'est risqué. En plus, puis les temps de chargement sont très longs. Pas mal sûr que ça aussi, ça pourrait se faire avec une mise à jour. Un exemple, Dynasty Warrior Gundam 3, c'est pas des maps immenses, là, puis c'est pas le jeu avec les plus gros graphiques qui existent. Et je m'excuse, là, mais 5 minutes pour loader une map là, avec les internets à fibre. Là, plus de ça qu'on a, là. Non, moi ça. C'est ridicule. Je trouve ça non. Puis les updates aussi du firmware, puis les installations, puis les updates des jeux. Sony, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire pour votre prochaine console. Oui, vous avez une bête, vous avez de la puissance sous le coffre, mais interface, contact consommateur, l'aspect online play, vous avez énormément de retard. Je pense même que Nintendo vous devance. Vous vous rendez compte, là, des points de vue efficacité de contact, je crois que Nintendo, à part le friend code là, avec Nintendo, là, mais vous êtes capable de parler avec vos amis, vous êtes capable de choisir les affaires puis de leur parler quand vous avez leur friend code. Mais les autres, ça coupe pas, puis c'est gratuit. Et voilà. Pourquoi vous autres, vous êtes pas capable de faire pareil? Voilà notre coup de gueule sur Sony cette semaine. On va surveiller ça quand même de près parce que ça va beaucoup jouer sur Sony, qui est déjà... Là, les ventes de PlayStation 3 ont dépassé celles d'Xbox récemment, mais... En tout cas, pas sûr que moi ça va continuer comme ça bien longtemps s'ils appliquent ce genre de solution là à leur machine. Par rapport à Sony, encore une autre nouvelle qui est sortie, que j'ai vu sur radiocanada.ca aujourd'hui, la Cour britannique leur impose une amende assez salée de plusieurs millions de dollars pour pas avoir eu de bonne sécurité sur leur PlayStation Network. On se rappelle il y a 2-3 ans le gros problème qu'il y avait eu pendant 2-3 mois facile, on n'a pas eu accès au PlayStation Network. Ben la justice britannique a décidé de sanctionner Sony pour leur manque de sécurité et aussi ce qui a amené possiblement des numéros de carte de crédit de se promener. Ouais, parce que en fait juste pour vous donner une idée là, quand il y a eu l'analyse des sécurités là, de Sony là, c'était à peu près l'équivalent d'une boîte de carton sur une table là. C'était pas sécurisé, zéro bin bar. Il suffisait juste de percer le serveur, puis voilà. J'ai bien l'impression que Sony va être va encore être attaqué. Si le genre de choses qu'on a parlé tantôt arrive pour vrai. Là. Ouais, effectivement. Puis en plus, ils vont tuer l'industrie du jeu usagé, de la location. J'espère que les magasins, que les grandes chaînes de vente vont boycotter Sony. Là. J'espère qu'ils vont le faire si ça arrive, parce qu'ils vont tuer carrément une industrie, puis ils vont empêcher des joueurs d'acheter des jeux à meilleur marché. Puis ils vont empêcher par la même occasion. Ah, et c'est, ils vont se faire bombarder de partout. Puis en même temps, Sony, ils sont en retard. Il va falloir qu'à l'heure, à un moment donné, ils sont en train de se faire dépasser de toutes parts. Autant c'est le marché des TV que le reste. Il va falloir que. Il doit y avoir une alarme qui sonne quelque part à Sony. Puis il va falloir demander quelqu'un s'en rendre compte. Effectivement. Et ça termine déjà l'émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, parce que. Ça arrive vite. Et une grosse émission encore. On vous rappelle rapidement que cette fin de semaine, nous serons à GAnime de 2013, donc à Gatineau Convention, où on va être là pour des activités, des panneaux qu'on va faire, moi et Andrew. On va faire une émission spéciale donc samedi à 22h sur le site streaming de la convention. On va faire une update sur le site internet, également sur le Facebook de l'émission. Facebook de l'émission, allez cliquer j'aime. D'ailleurs, vous allez sur la barre de recherche de Facebook, vous tapez Puissance Maximale, appuyez sur le bouton j'aime pour avoir les nouvelles de Puissance Maximale à toutes les semaines. On vous rappelle également qu'il y a un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller chercher nos anciennes émissions, écouter nos podcasts et lire nos nouvelles. Je remercie M. Andrew Castegan pour sa participation, ses deux bonnes critiques. Merci Andrew d'être là toutes les semaines. Toujours un plaisir. Et on est prêt pour la route demain pour Gatineau et mon amour est. Du tout, non. On le sera demain matin. Et mon amour est Mickaël Michaud, votre animateur, toujours heureux d'être là. Et je vous souhaite, comme à mon habitude, une excellente semaine de jeu. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins till the day we one, two, three, four, yeah!